Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui l'histoire, l'élection du Parti québécois le 15 novembre 1976. Radio-Canada à 8h40 prévoit que le prochain gouvernement du Québec sera formé par le Parti québécois et que ce gouvernement sera majoritaire. Alors je répète, à 8h40, Radio-Canada prévoit que le prochain gouvernement du Québec sera formé par le Parti québécois. Lorsque Bernard de Rome annonce l'élection d'un gouvernement majoritaire du Parti québécois le soir du 15 novembre 1976, il déclenche une salve d'applaudissements dans le studio où est présentée la soirée électorale. Pour la petite histoire, la version officielle retenue va préciser qu'il ne s'agit pas d'applaudissements de journalistes, mais de ceux d'invités présents ce soir-là sur le plateau de Radio-Canada. Mais au-delà de l'anecdote, au fond, ce que ça nous dit, cette affaire-là, c'est que cette élection du 15 novembre 1976, c'est pas une élection normale, il s'est passé quelque chose au Québec, que cette élection-là, en fait, va devenir l'une des plus importantes élections de l'histoire du Québec au 20e siècle. M. Parizeau, si je vous demande quel est le premier souvenir qui vous vient en mémoire de ce jour du 15 novembre 1976, qu'est-ce que c'est? C'est une dame enveloppée. À la sortie, c'était au Centre Paul Sauvé. Oui. Enveloppée, quoi. Assez. Oui. Qui se jette au cou d'un policier et qui l'embrasse. Le reste de la nuit, on a vu une sorte d'explosion de joie dans pas mal de quartiers de Montréal. Sans violence, sans drame, pas de carreaux cassés. Bien. Le lendemain matin, j'ai téléphoné à l'évêque, je l'ai félicité là-dessus. Pas d'avoir pris le pouvoir. J'ai dit, vous venez de faire ce qui est une sorte de révolution psychologique au Québec, et ça s'est fait dans un calme total. Bravo. L'ancien premier ministre québécois et ancien ministre péquiste Jacques Parizeau au micro de Pierre Maisonneuve, le 15 novembre 2001, à l'occasion du 25e anniversaire de cette élection du 15 novembre 1976, pour nous raconter le contexte entourant cette fameuse élection de 1976, l'historien Denis Vaugeois, qui est élu député de Trois-Rivières pour le Parti québécois ce soir du 15 novembre 1976. Monsieur Vaugeois, bonjour. Bonjour. Monsieur Parizeau, donc, qui allait du premier souvenir qu'il a, quand on lui dit quel est votre premier souvenir, c'est l'histoire qu'il vient de nous raconter du 15 novembre 1976. Le vôtre, votre souvenir, celui qui vous vient tout de suite quand on pense à cette journée du 15 novembre 1976. Je vais recommencer par vous dire qu'en entendant Bernard de Rome, j'ai eu des frissons. Oui. J'ai eu des frissons, puis je me suis dit, est-ce que je vais être capable de faire l'émission? Parce que j'avais comme un sanglot. Moment d'émotion très, très fort. Bon, maintenant, pour répondre à votre question, pour rester un peu sur le même ton que M. Parizeau, j'ai été un policier pendant plusieurs jours. Parce que pendant plusieurs jours, à Trois-Rivières, on m'attrapait partout. Et les plus jolies filles de Trois-Rivières me sautaient au cou. Je peux pas, on peut rien faire, on peut pas se déplacer. Ouais. C'était une euphorie. Une euphorie. C'est pas nécessairement des péquistes qui se réjouissaient. C'était le monde en général. Ouais. Il y avait comme un réveil, un moment d'affirmation. On ouais. était capables. Une grande, grande fierté. Puis ça, oui. ça s'entend. Ça se raconte plus, par exemple. Faut l'avoir vécu, là. C'était trop intense, hein. Ouais. Mais on va en vivre un petit bout, vous allez voir. Puis c'est un discours, évidemment, dont vous vous souvenez. Le discours de la victoire de René Lévesque, le 15 novembre 1976. Soit en passant, j'ai bien l'impression que des journalistes qui applaudissaient tout à l'heure dans votre studio. En tout cas, c'est de Rome, hein? 20 ans plus tard. Mais écoutez, c'était général. Ouais. Probablement qu'il y a des libéraux du cabinet de Bourassa aussi. Comprendrez que moi, je ne retiendrai que la version officielle. Très bien. Moi aussi, hein? D'accord. À partir de maintenant. On s'en tient à ça. Oui. Mais on a tous entendu la même chose. Il se passe quelque chose quelque part. Ah, c'est très fort. Ça, c'est sûr. Il se passe quelque chose, évidemment, aussi au Centre Paul Sauvé ce soir-là, quand René Lévesque donc, s'adresse à ses militants, mais à l'ensemble des Québécois. Je dois vous dire franchement qu'on l'espérait de tout notre cœur, mais on ne l'attendait pas comme ça cette année. J'ai jamais pensé que je pouvais être aussi fier d'être Québécois. Que ce soit. Je veux remercier du fond du cœur tous les électeurs dans tous les coins du Québec qui n'ont pas eu peur du changement nécessaire dans le Québec. Je voudrais remercier aussi et féliciter dans tous les coins du pays tous tous ceux qui, depuis une dizaine d'années, des milliers et encore depuis un mois, ont travaillé si fort, d'une façon surhumaine, pour amener ce résultat qui est venu, pensons-y, en une dizaine d'années. C'est tellement vite dans l'histoire d'un peuple. On n'est pas un petit peuple, on est peut-être quelque chose comme un grand peuple. Qu'est-ce que ça vous fait, Denis Vaugeois, de réentendre ça? Mais M. Lévesque a vraiment une grande capacité de chercher le sentiment populaire aussi, parce que ce qu'il dit, c'est probablement ce que la majorité des gens disent. Puis la référence au petit peuple, je me souviens que Jean Marchand avait fait une déclaration en disant, finalement, les Québécois qui se contentent de ce qu'ils sont, c'est un petit peuple. Jean Marchand avait dit, c'est un petit peuple. Puis il avait été de la campagne électorale, lui, il avait fait la bagarre pendant la campagne électorale. Donc, M. Lévesque, il en profite. Libéral, Jean Marchand. Oui, libéral, ouais. Ancien ministre fédéral, ouais. qui a fait campagne contre Claude Morin, je pense. Donc, M. Lévesque dit des choses qu'entend. En phase avec. Oui, avec l'opinion populaire. Puis moi, j'ai relu, par exemple, même le comportement de Bourassa. Bourassa, je sais pas s'il s'en doutait, mais je pense qu'il était presque soulagé. Puis il a fait ses valises tout de suite. Il a fait ses valises. Mais l'évêque lui-même, la grande question, c'était est-ce que M. Lévesque l'attendait, cette victoire? Il nous l'explique à sa manière, mais là encore, on sait qu'il ne voulait pas croire les sondages qu'on lui communiquait. Drouillet, comment il s'appelait, en tout cas, il y avait un autre, là, Lepage, qui avait des sondages favorables. Et puis, monsieur, il refusait de croire à une victoire. Mm-hmm. Il voulait, bien sûr. Mais dans la journée là, de la votation, là, Michel Carpentier était venu lui dire, écoutez, là, on a des échos, on voit à peu près comment ça se passe. Vous allez gagner. Préparez-vous, préparez-vous. Ouais. Mais même là, il ne pensait pas que ce serait aussi déterminant. Beaucoup d'émotions dans ce qu'on vient d'entendre, beaucoup de fierté. La sentez-vous? Vous êtes à Trois-Rivières. Vous venez d'être élu à Trois-Rivières. Sentez-vous cette même fierté à Trois-Rivières? Certainement. Mais le milieu est partagé. Et là, j'ai relu les journaux avant de venir à votre émission. Puis j'ai et que vous êtes studieux. Oui, absolument. J'étais curieux, surtout. Je voulais savoir. Et là, j'en revenais pas. Écoutez, les éditoriaux. D'abord, M. Lévesque, quand il vient à Trois-Rivières au début de la campagne électorale, il rencontre les journalistes. Et moi, c'est la première fois que je le rencontre là, officiellement. Mais Roderick Biron, il vient dans Trois-Rivières. Il est reçu à l'Hôtel de Ville. Qui est à l'Union nationale. Oui, réception civique à l'Hôtel de Ville pour Roderick Biron. Ouais. Et le lendemain de l'élection, l'éditorial, c'est sur la remontée de l'Union nationale dans Trois-Rivières. Ça, c'est l'éditorial du Nouvelliste. Donc, il y a un establishment trifluvien, dont le maire, dont la direction du Nouvelliste, vont dans un sens. Les autres, ils voient renaître l'Union nationale. Mais pour les gens, on n'en est plus là. Ouais. On n'en est plus là. Et alors là, c'est vraiment... Puis les journalistes, évidemment, à Trois-Rivières, sont comme les autres journalistes. Parce que c'est pas une question de partisanerie. Il se passe quelque chose. Ouais. Et ce qu'on entend, je reviens à ce discours du 15 novembre, vous l'avez un petit peu évoqué d'entrée de jeu, mais c'est quoi cette fierté-là? C'est que des militants péquistes? C'est plus non, que non, ça? Non, c'est pas que des militants péquistes. Non. Non. Pendant ma campagne électorale, là, je faisais du porte-à-porte là, quand j'avais rien à faire. Ça peut être long, ma campagne électorale, là, un petit deux semaines. Ah bon? Mais je me rappelle un soir, il pleut, et puis là, moi, mais les gens qui m'accompagnent disent, on rentre Denis. Ah, non, on en fait encore deux ou trois. Et là, on est sur une petite rue dans un quartier que j'ai déjà habité, puis on est dans un demi-sous-sol, puis il y a de l'eau, il y a des flaques d'eau. Mais je descends quand même les marches, et puis là, je frappe. Et là, il y a la toile de la porte s'entrouvre, et là, tout à coup, la porte s'ouvre. Et là, c'est une dame d'un certain âge qui me saute au cou. Elle dit, vous allez gagner. Tiens, je suis en campagne, etc. Là, mais je dis, madame, vous êtes si sûre que ça? Elle dit, moi, puis là, commence à monter ses talents de devin. Et puis, mais là, j'ai dit à mes gens, je dis, écoutez, seulement cette visite-là, là, pour moi, là, ça me craint que, mais les gens, elles, c'était pas une péquiste, là. Mm-hmm. Hein? Mais, donc, il y a une ardeur. J'allais dans les usines. Les travailleurs sont là, ils te regardent, un grand sourire, ils sont heureux de te voir. Donc vous l'avez vu venir, vous, la vôtre, en tout cas, quand est-ce que vous vous dites, ça y est, en tout cas pour moi, je vais gagner? Ouais, j'aurais l'air prétentieux. Moi, en me présentant, je devais gagner. J'y allais pas gagner. Ouais. Mais le parti disait, non, Denis, le parti me disait rien, en fait, mais je savais que ce comté-là était construit comme pas prenable. Ouais. D'ailleurs, il n'y avait pas d'autres candidats. J'ai pas de mérite, là. J'ai pas fait une convention par acclamation. Mais moi, c'est mon métier d'historien, là, quand même. Alors là, j'avais étudié un peu la situation, puis je me disais, à Trois-Rivières, l'Union nationale est encore présente. Mm-hmm. Duplessis est pas si loin. Hein? Mmh. Et puis Guy Bacon, ben, je vais m'arranger avec. J'étais vicieux. Hein? Bacon était député depuis 70, et mon discours dans les coulisses, c'était de dire, écoutez, il est là depuis 70, puis il n'a pas réussi à avoir un ministère. Ouais. Il n'est pas ministrable, ce gars-là. C'était mon ami d'enfance. Ouais. Donc, vous y allez en disant, je vais gagner, puis vous sentez que vous allez gagner. Je vais gagner, en tout cas. Je vais gagner. Je fais tout pour gagner. Pourquoi vous décidez d'aller en politique? Qu'est-ce qui fait que vous vous dites, en 76, ça y est, ouais, je deviens candidat pour le Parti québécois dans Trois-Rivières? Bon, j'en avais déjà discuté avec Gérald Godin, puis Gérald avait sa motivation à lui, que vous connaissez, il avait été emprisonné, puis ça, il l'avait jamais digéré. Et on trouvait qu'il y a des choses qu'on souhaitait, puis qui se passaient pas. Alors, nous, on s'en allait en campagne électorale, le jour où on a décidé d'y aller, mais on pensait bien être dans l'opposition, par exemple. Mm-hmm. On pensait pas être ouais. au pouvoir. Vous pensiez gagner, mais vous aviez pas vu la victoire du parti, Non, absolument. Ouais. Pas. Ça se passe comment, cette campagne-là, pour vous, puis je dirais pour le parti à l'échelle nationale? Bien, d'abord, les campagnes littérales, c'est beaucoup mené par un homme, un chef avec une petite équipe. C'est d'ailleurs quelque chose qui me choque un peu. Déjà en 76, c'était comme ça. Ah oui, la Breck a fait un film un jour sur la campagne électorale de Bernard Landry. Ouais. Pendant tout le film, on voit que Bernard Landry avec son état-major. Ouais. Ça m'a beaucoup choqué. Ouais. Et M. Lévesque, il a fait sa campagne électorale de 76, il l'a fait lui-même. Ouais. Et il y avait des gros noms autour de lui. Là. Il y avait, écoutez, très gros. Rappelons-nous les autres. Bon, vous avez présenté Parizeau tout à l'heure, mais il y en a plusieurs Parizeau dans l'équipe de l'époque. Là. Ben, Lévesque dit dans sa biographie à quel point il est impressionné quand il se retrouve pour la première fois autour de cette table du Conseil des ministres, le nombre de docteurs, entre autres, mais la compétence qu'il y a absolument. Autour de cette table-là. Puis il aurait pu faire un deuxième Conseil des ministres, puis il aurait encore été impressionné. Ouais. C'est un de ses problèmes, d'ailleurs, si vous voulez, d'avoir à choisir. Ouais. Donc. L'indépendance, parce qu'il y a en 1974 une stratégie nouvelle au Parti québécois, ce sera la campagne de 1976. Ouais. On vous demande un mandat pour former d'abord et avant tout un bon gouvernement. Ouais. Et il y aura, dans le mandat, un référendum sur l'indépendance. En parlez-vous d'indépendance, vous et le parti, et M. Lévesque? Est-ce que c'est un enjeu dans cette campagne? Ouais, c'est un moment pour faire des aveux ici aujourd'hui. Là. J'ai regardé encore ma documentation. Honnêtement, j'en parle pas. Non. Dans mes dépliants et tout, je n'en parle pas. Je parle de toutes sortes de choses que je veux faire. Je découvre que Trois-Rivières est une ville en train de mourir. De 60 000 habitants, ils sont passés à moins de 50 000. Le centre-ville est moribond. Il y a des terrains vacants partout. Donc, c'est un peu mon discours. Mon discours est axé. Il y a beaucoup de personnes âgées. Donc, mon discours est plutôt sur ce plan-là. Moi, je suis un indépendantiste. Puis c'est des indépendantistes qui m'ont convaincu de me présenter. Mais pour la campagne électorale, vous c'est voulez pas discours. Faire peur au monde. C'est ça l'idée? D'abord, ce qu'on nous avait proposé, c'est d'annoncer qu'on voulait être un bon gouvernement. Ouais. C'était ça le mot d'ordre. C'est ça le contrat. C'était ça le contrat. Et c'était mon discours. Et puis, en même temps, je pensais même pas, là, mais je me doutais bien que le discours indépendantiste, ça motivait des gens. Mm-hmm. Et pour ceux qui travaillaient avec moi, c'était, au fond, c'était ce qui les motivait le plus. Ouais. Mais pas aller chercher des votes, non. Vous êtes élu, le Parti québécois. Vous êtes élu dans Trois-Rivières et, surprise, votre parti va former le gouvernement le 15 novembre 1976. On écoute à nouveau Jacques Parizeau au micro de Pierre Maisonneuve en 2001, qui parle justement de cette surprise qu'il aura lui-même et de l'importance de ce qui se passe ce soir-là. Je me souviens d'un groupe, là, quelques jours, peut-être une semaine, 10 jours, avant le scrutin, on prend des gageurs. J'étais le plus optimiste, je pariais sur 45 sièges. Et puis là, tout à coup, on a des... dans les derniers jours, on a des doutes. On se dit peut-être. Mais on y croyait quand même pas. On a tous été surpris ce soir-là, on n'en revenait pas. Parce qu'il faut comprendre que si maintenant, au fur et à mesure où le temps passe, on met beaucoup l'accent sur le fait que les souverainistes prennent le pouvoir en 76. Pour beaucoup de gens, les socialistes prennent le pouvoir. Et dans les milieux anglo-saxons, singulièrement à New York ou à Toronto, l'aspect socialiste est au moins aussi important, à New York beaucoup plus important, que le fait des souverainistes. On nous appelle les Cubains du Nord. Ça a toute une signification. N'oubliez pas, la révolution de Castro, ça ne fait pas si longtemps, en 76. Alors, les Cubains du Nord viennent de prendre le pouvoir au Québec. Ce qu'on vient d'entendre de Denis Vaujoie, c'est intéressant parce que ça nous ramène à l'aspect historique de cette élection. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pourquoi cette élection du 15 novembre 1976, elle est importante? Ben, dans, pour ce que dit M. Parizeau, mais je vais revenir sur les réactions. Il y en a qui n'a pas mentionné certaines réactions. D'abord, des départs, des gens qui ont décidé de partir, oui. De quitter le Québec. La communauté anglophone. La communauté, par exemple, juive, a été une de celles qui était... Il y a eu deux articles publiés dans des journaux de New York par des juifs importants de Montréal. Les autres, ils avaient entendu pendant la campagne électorale les bottes nazies. Marteler le sol littratoire montréalais. Les bottes nazies. Ah oui, ouais. Oui, on les entend. D'ailleurs, c'est revenu dans les journaux encore, là, la mémoire que les Juifs peuvent avoir de l'Holocauste et ainsi de suite. Là. Apparemment, ils sont à fleur de peau pour les moindres actions. Donc, il y a une peur, parce que les souverainistes viennent de prendre le pouvoir. Elle est là en 76, ouais. C'est très, très clair. Les sièges sociaux. C'est désolant, parce qu'on nous prête des intentions. Écoute, on ne peut pas être plus pur que nous, là. Mmh. Franchement, on n'a pas... Puis socialiste, même socialiste. M. Lévesque était toujours très, très prudent sur ces mots-là, d'ailleurs. Ouais. Hein? Social-démocratie, il aimait mieux ça. Ouais. Hein? Démocratie atténuait le social, vous vous rendez compte, là? Mais Lévesque était très, très prudent, même sur souveraineté. Le jour où le mot va réapparaître, il est toujours associé à association, justement. Mais qu'est-ce qui est le plus important, si on a tranché, vous êtes historien, entre l'aspect très progressiste de ce gouvernement, je pose la question, puis je me doute très bien de la réponse, ou l'aspect souverainiste, là, pour une première fois, un parti souverainiste remporte une victoire en disant qu'il y aura un référendum. Il y a des gens qui ont souvent reproché à Claude Morin et ceux qui étaient autour de l'idée de Claude Morin d'un référendum. Mais je crois que d'être au pouvoir et de pouvoir traduire un certain nombre de rêves en réalité, mm-hmm. d'être tout simplement progressiste, je pense que pendant un certain temps, ça a pris toute la place. Oui. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on retardait un peu le référendum. Oui. On voulait avoir le temps de faire des choses importantes. Et chaque ministre avait un ou ses projets oui. qu'il voulait réaliser. Pourquoi vous gagnez? Pourquoi le parti gagne? On savait que vous, Denis Vaujoie, vous remportiez Trois-Rivières, c'était dans la poche. Oui. Pourquoi le parti gagne cette élection? Je pense que c'est une espèce de sentiment populaire. La victoire de 73 pour Bourassa, c'était piégé. Là, il remporte à peu près tous les sièges. À peu près tous les sièges, c'est malsain. C'est malsain. Même à l'intérieur du gouvernement de Bourassa, ça ne fonctionne pas. Il y a des rivalités, etc. Je pense que c'est trop. Là. C'est trop. Les gens ont besoin d'un peu d'air frais, puis un besoin d'affirmation. Puis les gens du Parti québécois, c'est des gens individuellement qui sont connus, qui inspirent confiance. Donc là, les gens sentent qu'ils sont au pouvoir. Il va se passer quelque chose. Ils sont en confiance. Le soir de l'élection, évidemment, c'est un petit peu le choc au Canada anglais et à Ottawa. On écoute la réaction du premier ministre fédéral de l'époque, Pierre Elliott Trudeau, quelques minutes après le discours de la victoire de René Lévesque. Si nous nous appuyons sur les assurances tant de fois réitérées au cours de la campagne par le chef péquiste, nous devons conclure que la population du Québec a voté, non pas sur une option constitutionnelle, mais bien sur des questions d'ordre économique et administratif, et que M. René Lévesque et son parti ont reçu le mandat de gouverner la province, non pas celui de tenter de la séparer du reste du pays. J'ai confiance que les Québécois continueront de rejeter le séparatisme parce qu'ils croient toujours que leur destinée se joue à l'intérieur d'un Canada indivisible. Ah, Denis Vaujoie, c'est intéressant ce que dit Trudeau. Vous trouvez? M'amène à me dire comment vous, qui êtes élu, il est habile. Là. Il dit, vous avez fait campagne en disant on est élu comme bon gouvernement. Mais j'aime pas ça, ce genre de discours habile-là, moi. Ouais. Mais ça a quel effet dans l'équipe péquiste? Il aurait pu admettre un moment de fierté, il aurait pu admettre quelque chose, si vous voulez. Mais tous les mots sont pesés. Hein. Le mot province, là, tu sais, ouais. Il martèle. Là. Ouais. Écoute, il n'y a pas les mots pris au hasard, là. Mais écoute, vous recevez quel mandat? Lui, il dit, au fond, le mandat, moi, ce que je comprends, comme premier ministre fédéral, c'est que cette équipe-là a eu un mandat de gouverner, pas de faire l'indépendance. C'est vrai que ça doit être un beau problème pour vous. Vous êtes fier, comme souverainiste, d'avoir pris le pouvoir. Il y a cet éventuel référendum qui s'en vient. Au début, là, c'est quoi l'état d'esprit dans l'équipe? Qu'est-ce que vous comprenez du résultat du vote? Quel mandat percevez-vous avoir reçu de la population? On va revenir au comportement du premier gouvernement, là, de M. Lévesque lui-même, et puis des ministres qui ont été nommés, c'est de passer à l'action. Et je crois qu'il s'accommode fort bien d'avoir reporté la question de l'indépendance, du référendum référendum. Le premier mandat, c'est il y a des choses à faire, Puis je me rappelle des discussions et on reporte. On essaie de faire le livre blanc, mais on n'est jamais satisfait de la dernière version du livre blanc. Moi, je suis nommé aux communications, donc j'ai cette responsabilité d'assurer la rédaction, mais je me rends compte qu'on n'arrive pas à formuler. Mais pendant ce temps-là, les ministres, ils s'ennuient pas. Ils sont à l'action et puis sont contents de ça, si vous voulez. Et le jour, ben là, où il va falloir y aller au référendum. Et là, écoutez, on a perdu notre occasion parce que Trudeau, à un moment donné, il est mis de côté. Quand Clark était là, il aurait fallu y aller. Normalement, on aurait dû y aller à ce moment-là. C'est une petite parenthèse. Mais on y va Joe même pas. Clark, qui va former un gouvernement minoritaire de mémoire en 79, ça va durer 6-9 mois, quelque chose comme c'était, ça. C'était le moment idéal pour nous autres. Mais on attend que Trudeau revienne, qui était un ennemi pas mal plus coriace, là, on va l'admettre. Monsieur Lévesque, quel souvenir vous gardez de lui dans les rapports que vous avez eus avec lui? Puis je vous dirais, sur le plan plus historique, la figure, qu'est-ce que vous en retenez aussi? Ah, écoutez, c'est un personnage d'une très grande complexité. Je le dis parce que là, c'est plus mes souvenirs politiques, mais c'est celui de l'historien qui travaille et qui reçoit des manuscrits. Là, j'en ai un qui est en marche et qui me fait redécouvrir un René Lévesque. C'est ça va être une émission juste sur René Lévesque. Écoutez, c'est une figure populaire, les gens l'aiment, les gens l'adorent, ils veulent y toucher, et ainsi de suite. Mais c'est en même temps un homme peu accessible et qui a sa trajectoire. Puis rappelez-vous, par exemple, sur la question de l'indépendance. C'est pas lui qui l'a mis au monde, l'idée d'indépendance. Il y a des gens autour de lui. Ouais. Mais les gens autour de lui, avant lui, qui développent l'idée d'indépendance, ils sont tous évincés. Bourgault réussira pas à trouver son chemin, Marcel Chaput réussit pas à être candidat quelque part, d'Allemagne n'est pas là, etc. C'est M. Lévesque, finalement, fait main basse sur le projet d'indépendance parce qu'il veut le définir à sa manière. Et c'est puis un peu dans tout. M. Lévesque, l'air de rien, impose sa façon de voir, il chicane avec son parti, etc. C'est un homme extrêmement déterminé. Mais en même temps, probablement, intérieurement, partagé, probablement inquiet, mais qui nous a donné un très grand moment dans notre histoire, un moment de grande fierté. Vous allez vous représenter en 81, vous êtes élu en 76 pour une première fois, vous vous représentez en 81, le gouvernement, le Parti québécois reformera un gouvernement en 81. On termine là-dessus, mais de quelle manière ça se passe différemment 81 de 76? Ben peut-être pas tellement différemment, parce que en 76 on dit aux gens soyez pas inquiets. On est indépendantistes, mais ça sera après un référendum. En 81, c'est quasiment le même discours, c'est que ayez pas peur là, le référendum il est derrière nous. Et vous avez dit non, alors donc on va en élection en 81. À mon avis, on se traîne un peu, on est fatigué, on est épuisé, on est même humilié, mais on y va. On y va et on a le meilleur score de notre histoire. Le PQ a eu le meilleur score en 81 parce que là, la perspective d'indépendance n'est pas là. Et c'est une leçon pour aujourd'hui d'ailleurs. C'est que ce parti-là devra attendre un moment, un moment très spécial pour amener l'idée d'indépendance. Et en attendant, il peut nous proposer d'être un bon gouvernement. Denis Vaugeois, ex-député, ex-ministre du Parti québécois, historien. Merci infiniment de votre passage. Ben, je vous en prie. Merci beaucoup. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp. À la prochaine.